Deuxième partie. Un arrêt d'autobus. Pardon, monsieur. Est-ce que l'autobus numéro 69 s'arrête ici? Où est-ce que vous allez, mademoiselle? À la gare d'Austerlitz. Alors, vous pouvez d'abord prendre le 69 qui va directement à la Bastille. Mais il ne s'arrête pas ici. Où est-ce qu'il s'arrête, alors? Là-bas, au coin. À l'arrêt facultatif, près des feux. Mais ici, vous pouvez prendre le 39 qui va à la gare Montparnasse. Là, vous changez et vous prenez le 89. Ça prend combien de temps? Un quart d'heure seulement, mais il y a une longue file d'attente. Tant pis.